Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereto, markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er, le martyr de Marie. La beauté de Jésus est inépuisable. Comme la vue de Dieu dans le ciel, elle est toujours variée, et pourtant toujours la même. Elle est toujours chère comme une joie ancienne et familière, et pourtant toujours un objet de surprise et de rafraîchissement pour l'esprit. Comme si elle était, en réalité, toujours nouvelle. Jésus est beau toujours, beau partout, lorsqu'il est défiguré par les tourments de la Passion, aussi bien que dans les splendeurs de la résurrection, parmi les horreurs de la flagellation aussi bien qu'au milieu des charmes indescriptibles de Bethléem. Mais, par-dessus tout, notre Seigneur est beau dans sa mère. Si nous aimons Jésus, nous devons aimer Marie. Il faut que nous connaissions la mère pour connaître le Fils. Comme il n'y a pas de véritable dévotion envers l'humanité sainte du Sauveur sans la foi en sa divinité, ainsi n'aurions-nous qu'un amour insuffisant pour le Fils si nous le séparions de sa mère, si nous laissions celle-ci de côté comme un simple instrument que Dieu a choisi de la même manière qu'il eût pu choisir une chose inanimée, dont on ne regarde ni la sainteté ni la convenance morale. Or, c'est notre tâche de chaque jour d'aimer Jésus de plus en plus. Les années suivent les années, l'antique succession des fêtes revient à son tour, les divisions bien connues de l'année chrétienne nous atteignent, font sur nous leur impression et poursuivent leur cours. Combien de fêtes de Noël, de semaines saintes, de Pentecôte, n'avons-nous pas vu passer, marquées chacune par quelque événement qui les a gravées comme des dates dans notre esprit. Quant à ces fêtes, nous avons passé celles-ci dans un endroit, celles-là dans un autre, les premières dans de certaines circonstances, les dernières dans d'autres. Quelques-unes d'entre elles, grâce à Dieu, ont été distinguées par de remarquables effusions de cœur, dans la vie intérieure, de manière à modifier ou à fortifier notre dévotion, et à influencer notablement nos relations secrètes avec Dieu. Les fondements de nombreux édifices, qui ne s'élevèrent au-dessus du sol que beaucoup plus tard, avaient été jetés alors presque inaperçus. Toutefois, quels qu'aient été les changements vus ou opérés par ces fêtes, elles nous ont toujours trouvés occupés à une seule et même œuvre, savoir, à nous efforcer d'aimer Jésus de plus en plus, et, à travers tous ces changements et toute cette persévérance à notre œuvre unique, notre expérience nous disait avec raison que nous n'avançons jamais plus rapidement dans notre amour pour le Fils, que quand nous passons par la mer, et que ce que nous avons édifié le plus solidement en Jésus est ce qui a été édifié avec Marie. Nous ne perdons pas notre temps en cherchant Jésus si nous allons d'abord à Marie, car il est toujours avec elle, toujours en sa demeure. L'obscurité des mystères de notre Sauveur se change en clarté quand nous l'approchons de la lumière de Marie, lumière qui est aussi celle de son Fils. Marie est la route abrégée pour arriver à Jésus. Elle a les grandes entrées auprès de lui. Elle est son Esther, et les réponses aux pétitions que sa main présente sont promptes et complètes. Mais Marie est un monde que nous ne pouvons embrasser d'un seul coup d'œil. Nous devons nous dévouer à des mystères particuliers. Nous devons mettre à part certaines régions de ce monde de grâce et concentrer notre attention sur elles. Nous devons les examiner et les décrire avec exactitude avant de passer à d'autres, et alors nous apprendrons beaucoup, tandis qu'une vue générale nous aurait empêché d'en prendre une connaissance suffisante. et de remplir nos âmes de spirituelles richesses, richesses tout à la fois de science et d'amour, qui nous rapprocheront éternellement de notre Seigneur par une union plus intime avec lui. Comme la volonté bénie de Dieu persévère à nous conserver la vie, et à nous retenir, pour ses miséricordieux desseins, au milieu de cet accablement et de cette affligeante possibilité de péché, déterminons, nous du moins à ne nous occuper que de Dieu, car nous avons appris depuis longtemps qu'il n'y a pas vraiment d'autre occupation qui en vaille la peine. Il y a encore, même dans la sombre étendue de ces tristes déserts du monde, des milliers d'Édens où nous pouvons travailler au bruit des eaux vives, et converser avec lui aux heures fraîches du jour, et nous pouvons errer d'un Éden à l'autre selon que la faiblesse ou la force de notre amour nous y pousse. Quant à présent, enfermons-nous dans le jardin des douleurs de Marie. C'est un des plus chers paradis de Dieu. Nous ne pouvons y travailler que sous l'ombre de sa présence et lorsque l'amour de Jésus a merveilleusement pris possession de nos âmes. Car l'amour de Jésus est dans l'air pur de ce jardin, dans les émanations du sol labouré, dans l'odeur des fleurs, dans le bruissement des feuilles, dans le chant des oiseaux, dans l'éclat du soleil, dans les bruits tranquilles des cascades qui jaillissent des rochers. Pour l'amour du Seigneur, c'est là que nous nous renfermerons quelque temps comme dans un cloître, et le monde dans lequel nous sommes de peu d'importance, et qui est même moins pour nous que nous ne sommes pour lui, cessera pendant une saison de nous trouver à notre poste. La loi de l'incarnation est une loi de souffrance. Notre Seigneur fut l'homme des douleurs, et c'est par ses souffrances qu'il a racheté le monde. Sa passion ne fut pas un mystère détaché du reste de sa vie, elle en fut seulement la fin et le dénouement convenable. Le calvaire ne fut pas différent de Bethléem et de Nazareth, il les surpassa en puissance, mais il ne pouvait en différer en nature. Les 33 années tout entières furent passées dans une souffrance continuelle, quoique variée dans son espèce et dans son intensité. Cette même loi de souffrance, qui appartient à Jésus, touche tous ceux qui l'approchent, elle les enveloppe en proportion de leur sainteté et en réclame l'entière possession. Les saints innocents n'étaient dans les conseils de Dieu que les contemporains de notre Seigneur, et cette ressemblance suffit pour les plonger dans une mer de souffrance. C'est pour cela qu'ils durent périr si jeunes dans les bras de leur mère désespérée, pour recevoir en récompense les couronnes et les palmes éternelles. Heureux échange, magnifique fortune promptement faite et si merveilleusement assurée. La même loi enveloppera chacun des apôtres sur lesquels sera tombé l'ineffable choix du Verbe incarné. Ce sera une croix pour Pierre et son frère, une épée pour Paul, des pierres pour Jacques. Ce sera le couteau qui écorchera Barthélemy, et pour Jean l'huile bouillante et les longues années d'une attente pénible. Quelle qu'en soit la forme extérieure, c'est toujours une souffrance intérieure. Elle les a suivis dans toutes les contrées, elle les a couverts de son ombre dans toutes leurs vicissitudes. Elle marchait avec eux sur les routes romaines, comme si elle eût été leur ange et gardien. Elle accompagnait leurs galères sur les eaux orageuses de la Méditerranée. Ils étaient apôtres, ils devaient ressembler à leur maître, ils devaient entrer dans le nuage, dans l'obscurité de l'éclipse qui les attendait au sommet de leur calvaire, à Rome ou à Bactresse, en Espagne ou aux Indes. La même loi a environné les martyrs de tous les âges. Leurs passions ont été de vivantes ombres de la grande passion, et le sang qu'ils répandirent mêla ces flots au précieux sang de leur Rédempteur, le roi des martyrs. Il en fut de même des saints, qu'ils aient été évêques ou docteurs, vierges ou matrones, laïcs ou religieux. Un amour extraordinaire, Une grâce extraordinaire les ont toujours atteints sous la forme d'une épreuve extraordinaire et d'une extraordinaire souffrance. Eux aussi devaient être plongés dans le nuage et en sortir avec un visage rayonnant parce qu'ils avaient vu, et vu de près, la face du crucifié. Il en a été ainsi pour tous les élus, chacun dans sa mesure. Il ne faut pas du moins qu'ils s'écartent des bords du sombre nuage qui doit, en passant, les couvrir de son ombre, peut-être plus d'une fois, pour assurer le salut de leurs âmes, en leur donnant une ressemblance suffisante avec leur maître. Que devons-nous donc penser de la mère de Jésus, qui, de toutes les créatures, s'approcha le plus près de lui? Il n'y a pas lieu de s'étonner si Marie souffrit plus que personne, après Jésus. L'immensité de ses douleurs ne sera pour nous ni un scandale, ni une surprise, ce sera plutôt la conclusion naturelle de tout ce que nous savons du grand mystère de l'incarnation. L'étendue de ses souffrances mesurera la magnificence de l'amour de son Fils pour elle. La profondeur de ses peines sera le plus sûr moyen de sonder l'abîme de son amour pour son Fils. L'immense océan de ses douleurs mesurera la grandeur de sa sainteté. C'est la hauteur de sa divine maternité qui élèvera ses souffrances jusqu'à celle de la divine passion. Exempte du péché, elle semblera presque soumise à la même loi vivifiante de l'expiation. L'union de la mère avec le Fils rendra inséparable la compassion de Marie et la passion de Jésus, malgré les mille raisons qui les distinguent si manifestement l'une de l'autre. La femme revêtue du soleil sera enveloppée de tous côtés par la brillante obscurité de cette terrible destinée que Jésus daigna d'abord fixer, et ensuite accepter comme la grande loi de son incarnation. Nous devons être préparés à trouver que ces douleurs de Marie surpassent la portée de notre imagination, et qu'elles sont au-dessus de toute description. Nous pouvons seulement les contempler avec les instruments que la foi et l'amour nous fournissent, et observer la beauté et l'étrangeté de tant de phénomènes que nous ne pouvons qu'imparfaitement comprendre. Nous pouvons ainsi particulièrement accroître notre dévotion à la Passion, dont plusieurs régions inconnues sont momentanément éclairées pour nous, par le contact des douleurs de Marie, de même que, dans l'occultation de Jupiter, cette lumineuse planète, en touchant la portion obscure de la Lune, projette, comme une révélation, une ligne, momentanée de lumière le long du bord invisible de l'astre de la nuit, et prouve ensuite, par sa disparition, la réalité de ce que nous ne pouvons voir. Note du traducteur, on appelle occultation, en astronomie, l'éclipse d'une étoile ou d'une planète autre que le Soleil ou la Lune, par la Lune ou par une autre planète. La planète Jupiter est très brillante, est présente, lorsqu'elle est occultée par la Lune, les phénomènes remarquables auxquels l'auteur fait ici allusion. Fin de la note. Mais, avant de demander à Saint Jean l'Évangéliste de nous tenir par la main, et de descendre avec nous dans les profondeurs de ce cœur brisé, que lui, le Saint du Sacré-Cœur, connaissait mieux que les autres, il nous faut jeter un coup d'œil général sur les douleurs de la Sainte Vierge. C'est ainsi que nous nous familiarisons d'abord avec le plan général de la géographie d'un pays, avant d'essayer d'en connaître les détails. Il y a 7 points sur lesquels il nous est nécessaire d'avoir quelque instruction avant de pouvoir étudier avec avantage les mystères distincts de ces éminentes douleurs. Il faut que nous connaissions, du moins autant qu'il est en notre pouvoir, l'immensité des douleurs de Marie, que nous sachions pourquoi Dieu les a permises, quelles en ont été les sources, ce qui les caractérise. Comment Marie put se réjouir en elle, comment l'Église l'aimait sous nos yeux, Et quel doit être l'esprit de notre dévotion envers elle? Ce sont là autant de questions auxquelles il faut répondre, et les réponses, quoiqu'imparfaites, seront pour nous une sorte d'introduction au sujet.